Chapitre 11 Et vive la commune Lanlaire. Vers 3 heures du matin, Fifine et Gibet se levaient enfin et, tous en cœur, ronds comme balles, essayaient de regagner leur logement de la rue des Pyrénées. Mais Chopin ne voulait plus du tout rentrer. Ah, mais non ! Il voulait d'abord prouver qu'il n'avait pas le nez sale. Les rues étaient pleines de monde, les devantures des marchands de vin flamboyaient. Un relent de victuailles et de boissons envahissait le quartier qui godaillait, s'offrait une noce carabinée. Demain, on ferait encore lundi, et après on se remettrait à masser ferme, chacun à son boulot. Jamais Gibet n'avait été en si belle humeur. Très costaud, très fort, dans sa triomphante soûlerie, le verbe haut, la casquette levée, il se baladait en chantant, tandis qu'autour de lui se pressait, se culbutait toute la nichée des Chopins. Cela devait finir mal. Fifine, amoureuse comme une chatte, était toute muée dans son hystérie, énervée par la visite de Ragdal, son chéri Ninou, perdu sans espoir depuis Roculo, et subitement reparut, peut-être reconquis. Mais hélas, avec une môme. Oh, la môme, ce qu'elle ne la gobait pas, celle-là. D'où que ça sort? Mais d'où que ça sort donc, ce machin, cette ordure? Oh, sûr, il y a du paillon à la clé. Il soude-moi dans les grandes largeurs, le chameau. Sans doute, mais quand on aime, c'est pas comme quand on n'aime pas, comme dit l'autre. Et elle en avait le ciboulot tout retourné. Son sang bouillonnait, ses nerfs vibraient, se tordaient dans un tas de choses rétrospectives. Ah, c'était un mal et infameux, le Borokèze, dit Ragdal, et nippe d'affaires, c'est-à-dire pot de balle et balai de crin. Niente, rien, et néant. Mais il avait batte à ne pas casquer, beau à ne pas payer, il avait la fesse et la gigue, la femme, pour lui, et mince, qu'on l'allumait pour ses zigots et son nias pâteux, parce qu'on l'aimait pour lui-même. C'était un rêve que Fifine allait encore réaliser, elle l'aurait encore, et seule cette fois. Sûr qu'elle le tiendrait avec cette momichonne. Ben, est-ce qu'on va se renquiller à la piole, rentrer à la maison ? Demanda finalement le grand Charles, l'aîné des Chopins, en garçon sérieux, ni grinche, ni marle, ni voleur, ni maquereau. « T'es pas un homme ?» beugla Gibet. « Non, marée, chiez donc, bonne femme ! Monsieur réclame son orgue et son pagne, son toit et son lit, merde ! Non, merle moqueur, il veut se bâcher, se coucher !» Et tu te crois un Chopin, toi? Laissez-moi me gondoler. Vrai, ce que je dois l'être, cocu, ce que je le suis, et de naissance. Toi, mon fieux, sorti de ma cuisse. Oh, non, mais c'est que je pète. Et, de fait, il mit la chose à exécution. C'était sa gloire et son triomphe des hauteurs de la courtille à Ménilmontant. Il en lançait comme ça, de toutes les gammes, sur tous les tons. C'était sa santé. Et il en avait une fameuse, le bon philosophe. Il se mit à déclamer au nez des agents qui commençaient à avoir l'œil, le mauvais, sur lui. « Va, mon vieux, va comme je te pousse. À gauche, à droite, va, ça fait rien. Va, Pierre qui roule amasse pas mousse. Je m'appelle pas Pierre et je le sais bien. » Il continua tout du long avec des hoquets de dégueulerie. « Va, mon vieux, pousse-toi de la balade en attendant le jour d'aujourd'hui. » « Va donc, y a que quand on est malade qu'on a besoin de pioncer la nuit. Tu te portes bien, toi t'as de la chance, tu te fous de la chaud, tu te fous de la froid. Va, mon vieux, fais pas de rouspétance, t'es dans la rue, va, t'es chez toi. »« De quoi donc? On dirait d'un merle. Et je viens d'entendre un coup de sifflet. Mais non, c'est moi que je lâche une perle. Sortez donc, monsieur, s'il vous plaît. » Ah mince, on prend des airs de flûte, on se régale d'un petit cant à soi. Va, mon vieux, pète dans la culbute, t'es dans la rue, va, t'es chez toi. D'abord, je comprends pas qu'on se gêne, et je suis ami de la liberté. Je fais pas ma Sophie, mon Eugène, quand je pète, je dis, j'ai pété. Et puis nous sommes en République, on n'est plus sous le pavé du roi. Va, va, mon vieux, va pousse ta chic, t'es dans la rue, va, t'es chez toi. Mais il allait voir. Le faubourg rigolait, suivait Gibet, traînant sa kyrielle de gosse. On le comprenait, on l'acclamait. « Vive Chopin » criait-on. Et lui de gueuler tout naturellement. « Nom de Dieu, vive la sociale !» Sa soûlographie l'électrisait. Il voyait maintenant des barricades se dresser, on se foutait des coups de fusil, il crevait sur le tas en brave citoyen. Mieux que ça, en compagnon. Et tout le monde était heureux après. C'était rien de battre. Il pleurait d'ivresse, de grosse bonté et de joie, en chantant d'une voix de tonnerre, grosse de révolution contenue. Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre, l'enlair? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre, l'enla? Sans être écrit chez le notaire, tous tes droits, humble prolétaire, sont au contrat d'égalité, bonhomme. Bonhomme, guerre à qui t'a volé? Et vive la commune, l'enlair! Et vive la commune, l'enla! Et c'était pas fini. Dans une explosion de rage populaire, comme il en souffle aux heures rouges ou noires de l'émeute, il vociféra. Bonhomme, n'entends-tu pas ce refrain de chanson française, l'enla? Ce refrain, c'est la Marseillaise! Celui qui fit 93! À ce chant-là, laisse l'outil, bonhomme! Bonhomme, va chercher ton fusil! Et vive la commune, l'enlair! Et vive la commune, l'enla! Tu vas voir que tu vas encore te faire foutre dedans, clama la mère Chopin qui n'était pas communarde. Ah non, elle était plutôt pour Ragdal, bourgeois fiéfé et engredinné, qui disait que c'était bougrement cul de se faire tuer pour le problématique bonheur des autres. Ça avait toujours été comme ça, et ça serait toujours comme ça, jusqu'à la fin des mondes. Et puis zut, chacun pour soi, au fait, Dieu pour tous. À quoi Chopin répondait par le refrain des anarchos? Le bon Dieu dans la merde, vive le son, vive le son. Le bon Dieu dans la merde, vive le son du canon. Il allait encore dire quelque chose, très fier de son succès, quand un quatuor de roussin lui tomba sur le poil.